Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Habitat Presto consacré à la déco. Cette semaine, nous allons vous apprendre à aménager votre intérieur de façon à favoriser la circulation des ondes positives avec une déco Feng Shui. Si vous ne vous sentez pas toujours bien chez vous, c'est peut-être que vos meubles sont mal disposés ou alors que les couleurs ne sont pas adaptées à la pièce. Quoi qu'il en soit, redécorer son intérieur en respectant les principes du Feng Shui vous permettra de chasser les mauvaises ondes et les énergies négatives. Nous allons donc vous confier les règles à respecter pour adopter cet art de vivre à la maison et une nouvelle décoration saine et zen. La première chose à faire est d'adopter la bonne couleur dans chaque pièce. Le Feng Shui repose sur la bonne atmosphère. Il s'agit donc de choisir la bonne peinture en fonction de l'utilisation d'un espace. Pour les pièces de vie et les zones de circulation, comme le salon, la cuisine ou le couloir, on opte pour des couleurs vivantes et dynamiques, comme par exemple le orange, le jaune, le rouge, la terracotta. Cependant, n'adoptez pas un total look. Peignez plutôt une partie comme un mur de soubassement ou un seul pan de mur. Concernant les pièces de détente et de repos, comme les chambres ou la salle de bain, portez votre choix sur des teintes plus apaisantes pour créer un cadre paisible. Le bleu clair, le blanc cassé, le rose poudré ou encore la couleur pêche seront donc plus appropriés. Notre second conseil consiste à décorer les murs avec des souvenirs heureux. Pour vous sentir bien chez vous, l'idéal est d'envahir vos murs de cadres photos avec des souvenirs heureux. Des portraits de votre famille, de vos amis lors de vos dernières vacances par exemple seront parfaits. C'est un bon moyen de favoriser le flux d'énergie positive au quotidien en vous rappelant d'agréables moments. La troisième règle se focalise sur le salon. Il s'agit de choisir des matières douces, mais aussi de bannir des lignes droites et les angles. La déco Feng Shui se veut douillette et confortable pour créer un intérieur convivial et chaleureux. Cela passe par le choix du mobilier et de vos objets déco. Alors, oubliez les meubles aux lignes droites et symétriques qui sont beaucoup trop stricts. Pour une déco zen réussie, on privilégie un mobilier avec des courbes aux formes arrondies. Côté matière, optez pour le velours, la laine ou encore la fausse fourrure pour par exemple un tapis, les coussins ou alors les plaids du canapé. Et pour supprimer les angles de la pièce, il vous suffira simplement de disposer de belles et grandes plantes d'intérieur à ces endroits. L'avant-dernier conseil concerne la chambre. Elle doit être reposante et bien rangée. Tout commence avec l'orientation du lit. Les pieds ne doivent pas être dirigés vers la porte. Ensuite, la chambre doit aussi posséder plusieurs sources de lumière douces, comme des lampes de chevet ou des applis, pour ne pas être trop agressive. Il est donc recommandé de vous débarrasser de votre plafonnier. Il faut ensuite dédier un espace au dressing. Les vêtements ne doivent jamais traîner sur le lit ou au sol pour avoir un esprit plus apaisé. Enfin, notre dernier conseil porte sur l'aménagement de la salle de bain. Cette pièce phare de la maison doit faire l'objet d'un aménagement particulièrement soigné. Théoriquement, vous y passez du temps le matin, mais aussi le soir avant de vous coucher. La salle de bain vous offre un moment de détente et de tranquillité pour prendre soin de vous et vous ressourcer. Alors pour vous y sentir bien, le Feng Shui recommande d'installer des meubles aériens, c'est-à-dire un lavabo, une colonne de rangement et un WC suspendu, qui sont donc fixés au mur. Les plantes à énergie positive comme le bambou ou l'aloe vera sont aussi les bienvenues pour réduire l'humidité et apporter une touche d'exotisme. Voilà, notre podcast touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine pour parler travaux. Envoyez-nous toutes vos questions sur les travaux, la décoration ou l'aménagement de jardin par message sur notre page Facebook ou bien à l'adresse info@habitapresto.com. Votre question sera peut-être sélectionnée pour un prochain podcast où nos experts se feront le plaisir d'y répondre et de vous donner plein d'astuces et de conseils. Et puis si vous cherchez un artisan pour vos projets de travaux de rénovation, de décoration ou encore d'aménagement du jardin, remplissez simplement le formulaire sur notre site internet www.habitapresto.com et nous vous mettrons en relation avec des professionnels près de chez vous. Merci pour votre écoute et à bientôt !